بسم الله الرحمن الرحيم. Donc voici la traduction. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc voici la traduction résumée de la conférence du noble cheikh Mustafa Mabram حفظه الله تعالى. Donc le cheikh, qu'Allah le préserve, a commencé sa conférence en faisant les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et en priant sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, comme vous l'avez entendu dans le titre de cette conférence du séminaire organisé par nos frères de mérite parmi les étudiants et prêcheurs du Merkez El-Ghuraba pour l'apprentissage du Coran, de la langue arabe et de la sunna, qu'Allah les aide et leur accorde la réussite. Le sujet de cette conférence est donc la dangerosité de séjourner en terre de mécréance, c'est-à-dire la dangerosité de vivre avec les mécréants dans leur pays et de se mélanger à eux dans leur société. Il convient donc que tu saches, premièrement, que parmi les plus grands objectifs de cette législation, la préservation de la religion. Ces objectifs sont nommés les 5 objectifs majeurs. Ils sont la préservation de la religion, de la raison, des biens, de l'âme et de l'honneur. Le plus grand de ces objectifs est donc que le musulman préserve sa religion et reste ferme sur celle-ci, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu de lui, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il soit en terre d'islam ou en terre de mécréance, comme Allah a dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire que la mort vous vienne alors que vous êtes sur l'islam, c'est-à-dire que la mort vous vienne alors que vous êtes sur l'islam. Cela veut dire qu'il faut que vous soyez persévérants dans l'obéissance et restiez sur celle-ci jusqu'à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux qui prouvent ceci également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl, et chassez-les d'où ils vous ont chassé, la fitna est plus grave que le meurtre. La fitna est le fait de se détourner de la religion. Donc préserver sa religion est une des plus grandes obligations pour le musulman. Et celui qui vit avec les mécréants et se mélange à eux dans leur pays va sans doute être influencé par eux, à part celui à qui Allah fait miséricorde. Il va donc être influencé par eux dans sa vie et sa manière de vivre. Et ceci est très dangereux. C'est pour cela que lorsqu'Allah ordonna de préserver la religion, il ordonna de s'écarter des mécréants et de s'éloigner d'eux, où qu'ils soient. Comme Allah a dit, « قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation, sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Et comme il a dit, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Quand tu vois ceux qui patauchent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et les versets allant dans ce sens sont nombreux. Et certes la règle, chez l'ensemble des savants, les savants de la législation, et également les savants de sociologie et leurs semblables, la règle est que la personne est influencée par ceux qui sont autour de lui. Il n'y a pas de divergence dans cela. Et ceci est une chose naturelle chez la personne, dans sa maison, à son travail, dans la rue, au marché, etc. Lorsqu'il voit les autres, il se comporte de la même manière qu'eux. Et si en plus de ça, il est ignorant au sujet de la religion et des ordres d'Allah, il sera éprouvé par la plus grande des épreuves. Celui donc qui se mélange aux mécréants, vit dans leur pays et observe leurs manières, leurs comportements et leur inattention au sujet des ordres de leur Seigneur et de son obéissance, prendra de leurs attitudes. Et certes, la ressemblance est basée sur la connaissance. Tu ne pourras donc pas ressembler à une personne dont tu ne connais pas les caractéristiques et attributs. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abdullah ibn Amr et autres, celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Et ceci est général et englobe toute ressemblance. C'est pour cette raison que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit: le moindre des aspects de la ressemblance est l'interdiction, c'est-à-dire que cela peut même amener la personne à la mécréance, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui observe le mécréant, qui observe ses adorations, ses danses et ses manières, et peut-être même qu'il fait partie de ceux étant sortis de leur religion, et ne se préoccupant pas de la religion à laquelle il s'affilie, il sortira donc tout comme lui. Ceci est dans le cas où la personne se mélange avec lui tout en étant prudent. Alors que dire de celui qui se mélange à lui dans l'enseignement, dans sa fonction, au marché, etc. Il ne fait aucun doute que ceci est très dangereux. Premièrement, c'est un danger pour la foi. Et plusieurs parmi les gens de science, de confiance, ont rapporté la situation des gens dans ces pays, comme le Cheikh Ibn al-Uthaymeen et autres parmi nos mechaïrs. Ils ont rapporté que certains parmi les enfants des musulmans ayant résidé dans les pays mécréants ont apostasié. Certains sont complètement sortis de toute religion. Tout ceci est donc un grand danger pour la personne. C'est même le plus grand des dangers, car ta religion est ton capital de base. Il suffit donc à la personne de réfléchir que s'il meurt en étant sorti de la foi ou en étant mécréant et en ayant apostasié, Allah ne lui pardonnera pas et il sera éternellement en enfer. Et le refuge est auprès d'Allah. L'affaire n'est donc pas anodine et nous appuyons sur cela afin que la personne qui est réellement contrainte de rester en terre de mécréance se préserve et fasse très attention à sa religion. C'est pour ça que les savants ont dit que celui qui est contraint doit absolument posséder les conditions considérées par notre législation pour résider en terre de mécréance. Le plus grand des dangers est donc le danger envers la religion Puis s'ensuit le danger envers le comportement, envers l'ensemble des comportements et des bonnes manières des gens de l'islam, comme la chasteté, la purification, la dignité, la générosité et autres. Il délaissera ses comportements, car il a été influencé par les sociétés mécréantes, et le refuge est auprès d'Allah. Et le refuge est auprès d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rassemble avec le polythéiste est comme lui. Certains savants ont parlé sur ce hadith, mais le Cheikh Al-Albani l'a mentionné dans As-Silsila As-Sahiha. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me désavoue du musulman résidant entre les mécréants. Je me désavoue du musulman résidant entre les mécréants. Il ne faut pas que leur feu se voie, c'est-à-dire qu'ils doivent être loin l'un de l'autre afin que l'un ne voie pas le feu de l'autre. Et parmi les dangers de résider dans les pays des mécréants et de se mélanger à eux, le fait que certains d'entre eux peuvent avoir naturellement quelques nobles comportements, comme la générosité ou autre, il les aimera. Il les aimera donc à cause de ces comportements. Et ceci est un grand danger, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne est avec ceux qu'elle aime. La personne est avec ceux qu'elle aime. Et certes, l'amour est la base de l'alliance. Notre Seigneur a dit: la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Et il a dit: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Et il ne fait aucun doute que la base de l'alliance dans la langue arabe n'est autre que l'amour et le secours. N'est autre que l'amour et le secours. Il est donc possible qu'il aime à force de le fréquenter et de se mélanger à lui. Et ceci est un grand danger, un très grand danger. Parmi les dangers de rester en terre de mécréance, également, comme je l'ai indiqué plus tôt, la disparition des comportements du musulman, la disparition des comportements du musulman, et parmi ces comportements, la disparition de la jalousie. La disparition de la jalousie sur laquelle Allah le créa et qui est confirmée par les ordres de la législation. La jalousie disparaît et il est possible qu'il voit les hommes et les femmes commettre des actes de turpitude, tels des ânes, comme cela est rapporté dans les hadiths, sans qu'ils n'y prêtent attention, sans que cela ne l'énerve ou sans même le blâmer avec son cœur. Il est même possible qu'ils soient influencés par eux et disent que ceci est la liberté. La jalousie disparaît de son cœur, qu'Allah nous en préserve. Il n'a aucune jalousie envers l'honneur des autres parmi ses voisins et la société qu'il fréquente. Cela peut même être encore pire, au point qu'il ne soit même plus jaloux envers sa propre personne, qu'Allah nous en préserve. Et nous avons certes entendu des choses étonnantes et effrayantes à ce sujet, concernant la situation de certains musulmans dans ces pays. Et même si je n'aime pas mentionner ce genre de choses que j'ai entendues de mes mashayikhs et autres, je vais tout de même mentionner une histoire qui m'est arrivée personnellement. Alors que je me trouvais à la mosquée sacrée, un jeune est venu me voir afin de profiter de certaines assises. Puis lorsque les gens partirent, il me posa des questions. Sur certains sujets. Je lui ai donc demandé de quel pays était-il. Il m'a répondu qu'il était originaire de tel pays, parmi les pays arabes. et qu'il résidait dans tel pays d'Europe. Et il m'a dit qu'il vivait avec son père, sa mère, son frère, et qu'il avait auparavant une sœur. Je lui ai dit, que veux-tu dire par cette phrase ? Il m'a dit, j'avais une sœur, mais elle est partie. Il m'a dit, j'avais une sœur, mais elle est partie. Je lui ai alors demandé, que vises-tu quand tu dis qu'elle est partie ? Il m'a répondu qu'elle s'est choisie un petit ami, puis est partie avec lui. Il m'a dit que son père s'est énervé quelques jours, puis sa mère lui a dit de la laisser. Que veux-tu faire ? Subhanallah, subhanallah, ceci est une chose étonnante. Et par Allah, s'il ne me l'aurait pas mentionné lui-même concernant sa propre famille, je ne me serais pas permis de le rapporter ici. Ceci prouve donc la dangerosité de résider en terre de mécréance. Il est même possible que la femme délaisse son mari car elle est attirée par un autre homme ou le contraire. Et je ne parle pas ici des mécréants, mais je parle des musulmans et de leurs enfants. Ceci prouve donc le danger de vivre en terre de mécréance. Celui qui réside en terre de mécréance a avec lui des enfants. Où vont-ils vivre ? Celui qui réside en terre de mécréance a avec lui des enfants. Où vont-ils vivre ? Va-t-il les enfermer dans sa maison ? Où vont-ils étudier ? Dans les écoles des mécréants avec leur programme ? Et ceci est un grand danger. C'est pour cette raison que lorsque la situation s'est compliquée pour les musulmans dans ces pays, nos savants ont rappelé et ont appuyé sur l'importance d'étudier les conditions nécessaires pour résider en terre de mécréance, car ils savent qu'il n'est pas possible à tout le monde d'accomplir la hijra. Ils ont donc mentionné des conditions très restreintes pour résider en terre de mécréance. Parmi celles-ci, que la personne ait une foi de sorte à repousser les ambiguïtés qui sont très nombreuses, qu'elle possède de la science afin de repousser les ambiguïtés, et de la patience afin de repousser les tentations. Il faut donc, en plus de la foi, de la science pour repousser les ambiguïtés, et de la patience pour repousser les tentations. Ceci démontre donc la dangerosité et démontre que ceux vivant dans ces pays doivent prendre de grandes précautions avec ceux qu'ils fréquentent parmi les enfants des musulmans, car il est possible que certains parents aient dû laisser aller. Et vous et vos semblables, qu'Allah vous récompense en bien, vous qui ouvrez ces centres et ces mosquées. Enseignez donc aux enfants des musulmans leur religion à laquelle ils s'affilient, et ceci n'est pas compliqué. J'ai moi-même rencontré certains enfants des musulmans de Russie, après le démantèlement de l'Union soviétique, qui parlaient très bien la langue arabe et qui lisaient le Coran. Je leur ai demandé, comment avez-vous fait ? Ils m'ont répondu que leurs parents leur enseignaient en cachette et qu'ils ne parlaient pas arabe lorsqu'ils n'étaient pas entre eux et ne montraient rien de cela, car il n'avait pas la possibilité de faire la hijra. La deuxième condition pour celui qui est contraint de rester là-bas est qu'il soit capable d'exposer ouvertement les rites de sa religion, comme le adhan, la prière, le jeûne, la prière en groupe et celle du vendredi, les préceptes de la religion, et qu'il soit capable d'accomplir les obligations, comme l'ont mentionné les gens de science. Donc s'il fait partie de ceux à qui Allah a accordé de la science et à qui le prêche fut facilité, il se charge de cette tâche. De même, s'il est capable de réfuter les ambiguïtés du peuple qu'il fréquente, par exemple certains musulmans habitent chez les bouddhistes, il faut donc qu'il étudie la croyance authentique et qu'il connaisse les ambiguïtés les plus importantes de chez eux ou de ceux chez qui il vit, ainsi que le mal de leur croyance. De la même manière pour celui qui vit avec les juifs ou les chrétiens. Et les savants ont mentionné certaines situations lors desquelles le musulman est excusé de résider en terre de mécréance, comme pour les liens qui sont indispensables aux pays musulmans, tels que les ambassades et leurs semblables. Parmi ces situations également, que le musulman voyage vers ces pays afin d'étudier une science n'étant pas présente dans son pays, et ce en sachant que la majorité des sciences sont maintenant présentes dans les pays musulmans, et il n'y a donc plus de besoin à cela. Parmi ces situations également, que la personne possède de la science lui permettant de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyage donc, tout comme les compagnons ont voyagé vers les terres de mécréance afin d'enseigner à leurs habitants. Si les gens ont besoin de lui, il peut donc rester dans ces pays en préservant sa religion et sa foi. Et notre cher Mourbil, qu'Allah lui fasse miséricorde, voyait l'obligation de cela, puis il est revenu sur sa parole. Il disait que celui qui est en sécurité dans sa religion se doit de voyager pour enseigner à ses frères et les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui réside dans ces pays pour le commerce, par sympathie envers eux, pour le temps agréable ou pour leurs attitudes dans les échanges, celui-ci est en grand danger. Celui-ci est en grand danger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me désavoue du musulman. Je me désavoue du musulman résidant entre les mécréants. Il ne faut pas que leur feu se voie, c'est-à-dire qu'ils doivent être loin, l'un de l'autre. Nous avons également mentionné le hadith: celui qui se rassemble avec le polythéiste est comme lui. Ô toi, mon noble frère, ô toi, mon noble frère, ô toi qui entends cela, s'il t'est difficile de voyager vers certains pays préservés, ton pays d'origine, lui, ne te refusera pas. Je dis cela car je sais que beaucoup de musulmans d'origine des pays arabes vivent en terre de mécréance, alors qu'ils ont la possibilité de retourner dans leur pays. Et je finirai par mentionner une autre histoire. J'ai rencontré un musulman dans la mosquée sacrée il y a quelques années. Il m'a posé des questions au sujet de sa femme qui lui désobéit, refuse de mettre le voile, etc. Alors qu'elle est musulmane, je l'ai donc conseillé en lui disant que si cette femme possède du bien, et souhaite rester avec toi, alors accomplis la hijra. Il avait également une fille de 3 ans. Comment va-t-elle donc être éduquée? Je te conseille de retourner dans ton pays. Et même si certaines mauvaises choses se trouvent dans ton pays, cela n'atteindra jamais le mal présent dans les pays mécréants. Dans ton pays, tu seras auprès de tes pères, de tes frères et des musulmans. Et par la grâce d'Allah, il m'a téléphoné après un temps et m'a informé qu'il était rentré dans son pays et avait ouvert un commerce et qu'il se portait bien. Je demande donc à Allah de me raffermir, ainsi que lui et vous et l'ensemble des musulmans sur cette religion jusqu'à le rencontrer, qu'Allah récompense ceux ayant été la cause de cette conférence et qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc ensuite, il y a eu des questions-réponses. Donc ensuite, notre cher, qu'Allah vous accorde la réussite. Pourriez-vous adresser un conseil aux femmes qui souhaitent accomplir la hijra et s'enfuir avec leur religion, mais qui n'ont pas de mahram? Y a-t-il un détail sur ce sujet? Réponse. Donc le cheikh répond. Donc le cheikh ici répond concernant ce sujet. Le sujet de la femme qui craint pour sa religion, mais n'a pas de mahram. Que doit-elle faire dans cette situation? Les savants ont parlé de ce sujet en se basant sur les musulmanes qui ont accompli la hijra vers Médine au début de l'islam, comme Salama, qu'Allah l'agrée, et d'autres qui firent la hijra à cause de la dureté des mécréants envers elle. Donc si la femme ne trouve personne pour émigrer, elle met en balance ces deux méfaits. Le méfait de rester en terre de mécréance et le méfait de voyager vers son pays ou vers un pays musulman dans lequel elle pourra préserver sa religion. Elle regarde le moins pire des deux méfaits. Par exemple, le voyage en avion en cas de nécessité, si elle ne trouve pas de mahram, si elle est capable d'accomplir la hijra en préservant sa personne et en faisant très attention, alors elle fait la hijra. Alors, elle fait la hijra. Par contre, si sa hijra comporte des méfaits envers sa religion, son honneur et ses affaires, et que rester dans ce pays jusqu'à ce qu'Allah lui facilite quelqu'un qui l'accompagne, dans ce cas, elle reste ainsi et Allah est le plus savant. Donc ça, c'était concernant la première question. La deuxième question, qu'Allah vous bénisse. J'ai remarqué qu'il y avait de nombreux problèmes entre époux à cause du manque d'entraide entre eux dans les bonnes œuvres, dont cette grande adoration qui est la hijra dans le sentier d'Allah. Parfois une faiblesse provenant de l'homme ou de la femme provoque des disputes dans la famille. Nous espérons donc un conseil à ce sujet afin que tous s'entraident dans l'accomplissement de cette adoration. Donc le cheikh y répond, cette question est également très importante. Notre Seigneur a dit à l'ensemble des musulmans, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et ceci est d'autant plus important pour les deux époux, car ils entrent dans cette entraide, et Allah a fait de l'un des époux un vêtement pour l'autre, comme Allah a dit, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et il a fait de l'épouse une tranquillité pour le mari. L'épouse est donc une tranquillité car l'homme sort. Car l'homme sort, travaille, part à la recherche de la subsistance. Quant à la femme, elle est semblable à la demeure et à la maison. C'est une tranquillité. Allah a dit « وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا » Il a tiré d'elle son épouse. Il a tiré d'elle son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Dans deux passages du Coran, Allah a nommé la femme comme étant une tranquillité. Et il a mis entre les époux de l'affection et de la bonté. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. C'est ainsi que sont fondés les liens entre époux. Mon conseil envers les deux époux est donc de ne pas diverger. C'est ainsi que sont fondés les liens entre époux. Mon conseil envers les deux époux est donc de ne pas diverger et de faire passer les intérêts religieux avant les intérêts mondains. Qu'est-ce qui te pousse, ô ma noble sœur ? Qu'est-ce qui te pousse, ô ma noble sœur, à rester avec tes enfants en terre de mécréance ? Avec ce que nous avons mentionné dans la conférence, comme à titre d'exemple, l'influence des comportements des mécréants. Rentre donc dans les pays musulmans, et certes la vie dans la religion, même avec la pauvreté, est le paradis de cette vie mondaine. Le paradis de cette vie mondaine n'est autre que la foi. La femme doit donc aider son mari, l'encourager et le soutenir. Il est possible également que l'épouse veuille accomplir la hijra, mais que l'époux ne soit pas d'accord ou le contraire, et cela cause des divergences dans la famille. Mon conseil est donc qu'ils s'entraident, se consultent et ne divergent pas. Naam. Donc ça, c'était la traduction résumée de la conférence du Cheikh Mustafa, hafidhahullah. Donc le prochain rendez-vous, inshallah ta'ala, demain à 16h, pour la conférence intitulée « L'obligation de la hijra » dispensée par notre frère Abu Abdurrahman al-Tunisi. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder la sincérité dans la parole et l'action. Wallahu al-musta'an wa bihi al-tuklan subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.